soudain. La télé, c'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, parce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone, pour une pâté de maison. Comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guaira, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce mardi 1er octobre 2024, deuxième jour de cette semaine, deuxième magazine des mots, des sons sensibles, actualités politiques, sociales et culturelles. Un nouveau mois qui s'ouvre et en ce mardi 1er octobre, eh bien tout simplement retour sur ce premier jour de semaine et ce dernier jour de septembre, lundi 30 septembre, qui marquait le retour du conseil municipal de Saint-Etienne. Ce sera le principal menu contenu de ce programme aujourd'hui. En effet, une séance de conseil municipal de rentrée agitée et chargée. Vous aurez l'occasion de l'entendre avec deux principaux points qui seront évoqués. Retour donc sur conseil municipal dans ses mots et sons sensibles aujourd'hui politiques. Essentiellement donc local, à l'ordre du jour. Nous allons ouvrir ce programme néanmoins comme à notre habitude, avec nos découvertes partenariats Ferrarock cette semaine, notre Fédération Nationale des Radios Associatives Rock de France qui vous propose double artiste album. Je vous ai fait découvrir hier l'album de Lewis Evans, ce très beau Cœur Céleste, qui est paru il y a tout juste là quelques jours, ce 29 septembre via ZRP Label. Je rappelle d'ailleurs que ces artistes découvertes partenariats sont en présentation, diffusion et en jeu concours. Vous avez un album à votre disposition et à gagner sur l'antenne du 895 de Dio pour Cœur Céleste de Lewis Evans. Pour ce, vous n'hésitez pas à nous contacter. Un petit mail à redac@radiodio.org. L'autre proposition cette semaine se porte sur ce projet-là. L'album est lui sorti le 20 septembre dernier. Très bon album de Tram House, The First Exist, qui est sorti le 20 septembre dernier, comme je disais, via le label Subroutine. First Exit. Vous pouvez aussi y voir tout à fait lien et transition avec le sujet du jour, première sortie, mais vous savez qu'on assiste à une valse de démissions et évictions d'élus au sein du conseil municipal. Ce sera d'ailleurs peut-être bien le mot-clé de ce programme aujourd'hui. En tout cas, vous l'entendrez, ce ne sera pas la première sortie, énième sortie d'émissions évictions du côté du conseil municipal. En tout cas, The First Exit, c'est bel et bien le premier album de ce groupe rock qui nous vient de Rotterdam, Tram House, dont on donne comme ça quelques très belles influences, à tenir compte ou non, mais citer pêle-mêle Pixies, Joy Division, Fight White Family ou encore Nirvana. En tout cas, Tram House a une identité assez propre. Très bon disque que je recommande chaudement. Encore d'autres titres qui pourraient tout à fait être en lien ou résonner étrangement avec notre sujet du jour, une ouverture d'album avec ce titre-là, The Cause, c'est Once Again, et oui, une nouvelle fois, Once Again, que je vous propose de découvrir. Ce sera peut-être bien le titre le plus mélancolique de cet album, que je vous propose donc de découvrir. Des mots, des sons sensibles s'ouvrent avec Once Again de Tram House. C'est parti. We'll be right back. Once Again, très bon titre de cet album de Tram House, en découverte et en partenariat Ferrarock cette semaine, l'album The First Exit. Eh bien oui, tout en lien ou presque, une nouvelle fois sur le 895 de Duo, un magazine consacré au conseil municipal de Saint-Étienne qui faisait sa rentrée ce lundi 30 septembre, nouvelle séance de rentrée qui était attendue, en tout cas depuis cette dernière séance d'avant-été très agitée, avec démission d'une partie d'élus de la majorité. On attendait peut-être bien une démission en bloc en cette rentrée et voir peut-être arrivée de nouvelles élections municipales. Il n'en sera pas question, nous l'avons évoqué dans un magazine de cette rentrée d'ores et déjà, en tout cas hier, séance de conseil municipal de rentrée en ce lundi 30 septembre, un conseil chargé, 122 dossiers à l'ordre du jour, plus de 6 heures de séance. Et nous allons tenter de vous en faire un petit retour comme habitude, et ce sera le cas pour l'ensemble des séances de conseil municipal de cette nouvelle saison 2024-2025. Vous le savez, nous suivons attentivement ces séances afin dès lendemain de vous en faire un petit report et retour très rapidement, bien sûr, en près de 60 minutes. Vous imaginez l'exercice ô combien compliqué. En tout cas, un conseil hier qui s'ouvrait non pas véritablement avec l'ordre du jour. En effet, le premier dossier à l'ordre du jour portait sur le projet d'aménagement et de développement durable et le plan local d'urbanisme de Saint-Étienne Métropole, qui a occupé une très large place d'ailleurs en termes de présentation et d'échange. Mais auparavant, eh bien oui, une nouvelle fois, Gaël Perdriau fut lâché hier après-midi par un membre de sa majorité, avec d'emblée la demande de prise de parole de cet élu conseiller délégué à la propreté depuis 2020, Tom Pentecôte, qui, vous allez l'entendre, de façon très ému, eh bien, présentait sa démission lors de ce conseil municipal de rentrée. Je vous propose de l'écouter sur le 895 de Duo. S'il vous plaît, monsieur le maire. On va démarrer par Gilles Tizi. Je voudrais faire, s'il vous plaît, une déclaration liminaire à l'ordre du jour du conseil municipal. Eh bien, après l'intervention de Gilles Tizi. Non, mais... Jusqu'au bout, donc. Vas-y, cher Tom. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus membres du conseil municipal, c'est la première fois que je m'exprime au sein de notre assemblée. Ce sera aussi la dernière. En effet, j'ai remis ma démission ce samedi à monsieur le maire, et celle-ci sera effective à compter du 4 octobre prochain, au lendemain du conseil métropolitain, où, comme ici, et comme je le fais depuis 4 ans, j'aurai voté les décisions relatives à l'administration de notre territoire. Cette décision, je l'ai prise avec douleur, mais aussi une forme de soulagement. Elle n'est pas hâtive, mais la résultante d'une profonde réflexion. Si je souhaitais initialement la porter à la fin de cette année, les derniers départs, et notamment celui de l'adjointe avec laquelle je travaillais depuis 4 ans, ont eu raison de moi. Désormais, je ne trouve plus de sens à ce que je fais, m'amenant à franchir le pas plus rapidement. Avoir été élu à Saint-Étienne aura été l'honneur de ma vie. Je l'ai voulu, j'ai travaillé pour, je me suis investi sans compter, avec passion et détermination. Et je sais qu'ici, sur ces bancs, vous savez ce que cela représente. Aujourd'hui, je mets fin à 14 ans de vie. Alors me direz-vous, 14 ans dans une vie, ce n'est rien. Mais lorsque vous en avez 28, c'est la moitié. Démissionner est un déchirement pour moi, car la politique est une passion et je l'ai vécue intensément. Et on ne met pas un terme à quelque chose que l'on aime sans douleur. C'est un déchirement car j'entends déjà ce qui va pouvoir être dit. C'est une trahison, un affranchissement, un coup de poignard. Et je comprends que ce sentiment puisse être ressenti et je le respecte. Pourtant, je veux le réaffirmer ici, je n'ai aucun calendrier personnel, aucune ambition politique. Je quitte mes fonctions et mets un terme à cette vie que j'ai tant aimée. Mais en démissionnant, je fais un choix personnel qui m'apaise et me libère, qui soigne douloureusement une plaie provoquée par une situation morale dans laquelle je me suis retrouvé et dont je me sens responsable. Depuis 2 ans, j'ai fait des choix difficiles, des choix d'affection, des choix qui, je le sais, ont pu parfois ne pas être compris. Ces choix, ils m'ont petit à petit rongé, ils m'ont enfermé, et souvent ils m'ont amené à interroger ma conscience. Ils m'ont amené à des questions dont la binarité des réponses m'était impossible. Mon engagement, il est lié à cette ville, et il est lié à Gaël Perdriau. Je suis un affectif, et c'est notamment par affection que je me suis engagé. En 10 ans, vous construisez des moments de vie, des moments forts, des moments de joie, et parfois aussi des moments de douleur. Alors lorsque le monde s'écroule, que les repères qui sont les vôtres ne sont plus, il est difficile de trouver les mots, il est difficile d'agir. Cela l'est d'autant plus lorsque vous êtes face à une personne que vous aimez. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas réussi à me dissocier d'une affection profonde et ancienne. Ces sentiments, dans pareille situation, se heurtent à vos croyances et à vos valeurs. S'engager avec affect, s'engager avec des personnes dont vous partagez des liens d'amitié, c'est forcément prendre des risques, car lorsque cela va mal, inévitablement, vous n'êtes plus objective. La raison prend difficilement le pas sur l'affection. Pour ma part, tout cela s'est heurté violemment à moi. Combien de fois je n'ai pas été cohérent avec ce en quoi je crois, et ce sont bien là mes erreurs, car au-delà de l'homme que je suis, j'incarne aussi une fonction et des responsabilités. Je veux donc le dire ici, je dois prendre mes responsabilités et je veux présenter mes excuses. Je n'ai pas été à la hauteur morale de la fonction qui est la mienne. J'aurais dû parfois porter plus fortement ce que je ressentais, faire comprendre et entendre plus fortement les positions qui sont les miennes. J'aurais dû dire qu'il y a des mots, des paroles que je ne pardonnerai jamais, dire que la violence de ceci m'a heurté, m'a touché dans ma chair, en tant qu'élu, en tant qu'homme. Comme beaucoup, je connais la violence de ces mots. Et je sais la résonance qu'ils peuvent avoir. Je le sais parce que moi-même, je suis une pénale. Je sais combien le chemin, pour s'aimer soi-même, pour s'assumer, et s'accepter, et pour l'aide de ceux que l'on chérit le plus, est un chemin complexe, un chemin sinueux, un chemin difficile, un chemin qui, lorsqu'il est entamé, libère, mais un chemin que parfois l'on ne trouve pas et qui peut conduire au pire. Ces mots, ces paroles ont été tenues et ils n'ont pas été stoppés. Ils ont été et sont dévastateurs. Parce qu'il y a dans notre ville, mais pas que, des femmes et des hommes, jeunes et moins jeunes, qui sont sur le chemin dont je vous parlais, qui ont des doutes, des peurs, des craintes. Et lorsque cette violence vient de responsables politiques, elle démolit. Quelles que soient les fonctions qu'on occupe, les ambitions qui sont les nôtres, rien, non rien, ne justifie ni n'autorise à ce que l'on vous attaque sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes, parce que personne n'est coupable d'aimer. Tout cela, je ne l'ai pas suffisamment dit, pas suffisamment affirmé, en tant qu'homme, mais aussi en tant que responsable politique, et j'en suis profondément désolé. La tempête dans laquelle nous nous trouvons ne nous laisse pas le choix de la nuance tant elle est violente. Je me suis questionné sur la manière dont j'allais aborder tout cela, par crainte de blesser, d'agacer ou encore de diviser, d'être rangé dans une case ou dans une autre. Mais le constat, il est sans appel, ce n'est pas possible, et je me dois d'affirmer ce que je pense. Chacun peut avoir sa sensibilité face à la situation que nous traversons, mais demain, la justice se prononcera, elle viendra clore une page sombre de l'histoire de notre ville, elle définira les responsabilités de chacun au regard des éléments portés à sa connaissance. À titre personnel, je ne crains que cela ne laisse des marques indélébiles aux conséquences dramatiques. Combien de familles brisées par ce qu'elles vivent et ce qu'elles vivront dans les mois à venir. C'est aussi un gâchis pour notre ville, un gâchis au regard de l'action positive menée depuis 10 ans, un gâchis pour les talents qui faisaient vivre notre vie locale. Pour ma part, avec cette démission, je veux assumer la responsabilité qui est la mienne. Quitter mes fonctions était le seul chemin. Sur une note plus positive, je pars avec une conviction profonde. Le mandat d'élu municipal est le plus beau des mandats qui soient. La vie politique française se polarise, laissant place à un climat exécrable. Beaucoup de nos élites ont cédé aux sirènes du buzz, de la petite phrase et de l'invective permanente. Mais face à eux, les élus locaux, eux, incarnent ce lien si fort et si important avec la population. Ils trouvent des solutions aux problèmes du quotidien, à portée d'engueulade, mais surtout en proximité de chaque instant. Je voudrais finir en adressant des remerciements à l'égard des Stéphanois. Ils m'ont tant donné. Nos contacts, nos rencontres, nos échanges m'ont permis de construire l'homme que je suis aujourd'hui. Des remerciements à l'égard des agents de notre collectivité. Chaque jour, ils œuvrent pour proposer et porter un service public de grande qualité, à la hauteur de ce que méritent les Stéphanois. Et je ne peux penser aux agents sans penser aux femmes et aux hommes qui composent le service propreté, dont j'avais la délégation aux côtés des deux adjointes successives. Travailler avec eux aura été un véritable honneur. De même que pour les agents du service démocratie locale, dont l'engagement pour nos quartiers revêt une profonde sincérité et avec lequel j'ai aimé exercer mes fonctions d'élu référent. Des remerciements à l'égard de vous, chers collègues du conseil municipal. Ensemble, nous avons vécu depuis de nombreuses années des moments de vie incroyables. Beaucoup ici m'ont connu grand ado et pas encore majeur. Je sais que tous, à la place à laquelle vous êtes, vous contribuez à construire une ville meilleure et je sais que vous êtes guidés par cette ambition. Je voudrais avoir une pensée particulière pour Nicole Peslon. Si nos parcours et nos histoires sont profondément différents, je me suis nourri de nos nombreux échanges, de nos moments professionnels et plus personnels. Monsieur le maire m'avait dit au début de ce mandat combien je serais à bonne école avec toi. Et je dois avouer que, comme souvent, quand il s'agissait de mon avenir et de m'élever, il avait raison. Enfin, je voudrais te remercier, monsieur le maire. Tu as contribué à me construire. Ce mandat aura été une épreuve pour notre amitié, dont je le crains. Elle ne s'est pas relevée. Malgré tout, je sais ce que je te dois. Je sais tout ce que nous avons traversé, ensemble, et rien ni personne ne pourra l'effacer. Mesdames et messieurs, chers collègues, je souhaite à Saint-Étienne et aux Stéphanois le meilleur. Cette ville, ses habitants, le mérite sans doute plus que nul autre. Je quitte aujourd'hui la vie publique avec regret, mais avec soulagement et en pleine conscience de la responsabilité qui m'incombe. Je vous remercie. Je donne donc la parole à Gilles Tizy pour ouvrir ce débat sur les orientations générales concernant le projet d'aménagement et développement durable du PLUI, s'il te plaît. Et voilà, balayé d'un revers de main ou d'une parole, de quelques mots par le maire de Saint-Étienne après cette intervention de Tom Pentecôte. Membre de la majorité municipale à Saint-Étienne, conseiller délégué à la propreté depuis 2020, très ému, voix pleine de larmes. Vous l'avez entendu, une expérience qui l'aurait aidé à se construire, mais on l'entend bien là aussi, peut-être bien à aussi le mettre en difficulté véritablement et peut-être bien à le détruire. En tout cas, on s'interroge aussi à l'issue de cette intervention, première intervention de Tom Pentecôte au sein de cette assemblée et qui sera aussi la dernière, vous l'avez entendu, annonçant hier en toute ouverture de séance sa démission, sans jamais mentionner l'affaire du chantage présumé à la vidéo intime. Mais il fallait aussi lire entre les lignes, vous l'avez compris, en citant notamment le fait d'être lui-même une pédale, hein, dans des échanges dévoilés par Mediapart en septembre 2022. On entendait en effet Pierre Gauthiery, ancien directeur de cabinet du maire, traiter Gilles Artigue de vieille pédale sur le retour. Voilà pour cette intervention hier sur laquelle certaines élus reviendront. Vous l'avez entendu, l'ordre du jour se poursuivait dans la foulée assez brutalement avec ce premier point de l'ordre du jour concernant le plan local d'urbanisme présenté par Gilles Tizy, durant près de deux heures d'ailleurs. C'est uniquement un peu plus tard, au terme d'un peu plus d'une heure encore, et intervenant sur ce point, que Isabelle Dumestre de l'opposition faisait parenthèse évoquant aussi cette situation et cette démission, et qui sera encore, vous l'entendrez, reprise dans le point à venir, que nous allons écouter d'ici un instant. En effet, vous allez l'entendre, d'autres points à l'ordre du jour hier, en tout début de séance, après cette large présentation, donc je le disais, de plus de deux heures concernant le plan local d'urbanisme, il s'agissait de revenir sur un ensemble de points, dossier 2, 3, 4, 5, 6 et 7, suite à la démission précisément d'élus et d'adjoints notamment. Donc il s'agissait en l'occurrence pour le dossier 2 de déterminer le nombre d'adjoints au maire et la suppression de deux postes d'adjoints. Vous allez l'entendre parce que ce sera la principale deuxième intervention de ce programme et de cette séance de conseil municipal que je vais vous proposer aujourd'hui. On rappelle, la dernière séance du conseil municipal se tenait le 24 juin dernier, avec à nouveau valse de éviction, démission, et notamment 9 élus dissidents qui renonçaient à leurs délégations respectives et créaient notamment le groupe Saint-Étienne Avant Tout, emmené par Nicole Peslon, et qui aurait pu dessiner pour cette rentrée des élections anticipées, élections municipales, avant la fin de cette année 2024. En tout cas, c'était mathématiquement chose ce possible. Mais mi-septembre, et nous l'avons annoncé et avons consacré un point dans un de ces magazines de rentrée, le groupe, ayant quitté les rangs de la majorité, annonçait ne pas démissionner et faire donc sauter le conseil municipal, ce qui était chose possible. Pas de démission en bloc donc, même si finalement tout était prêt, les lettres de démission étaient prêtes. Saint-Étienne avant tout a rejoint l'opposition, en tout cas en toute autonomie, mais ne démissionnez pas, et il faudra donc attendre effectivement les prochaines échéances et élections municipales de 2026 prochaines. Même si là aussi d'autres finalement tant de réactions et préparations, on l'a vu et on a annoncé également sur cette antenne, un collectif de citoyens s'était également organisé à Saint-Étienne, Sainté Populaire, un nouveau collectif de citoyens qui rassemble ou rassemblait nombre de Stéphanois issus du monde associatif, syndicaliste, politique, culturel, la société civile, et qui avait en ligne de mire ces élections municipales. Peut-être bien avant 2026, en tout cas une première réunion avait eu lieu à la Bourse du Travail le 6 septembre dernier, et un deuxième rendez-vous d'ailleurs était programmé ou est programmé ce mercredi 2 octobre à la Bourse du Travail également. Nous sommes adressés auprès de Sainté Populaire pour savoir si ce rendez-vous était maintenu, mais nous n'avons pas eu confirmation, donc à savoir si cet élan sera maintenu et entretenu concernant Sainté Populaire et ses échéances électorales municipales prochaines. En tout cas, il faudra bel et bien attendre 2026. Mediapart en toile de fond est évoqué également entre les lignes, on le disait. On rappelle d'ailleurs que Mediapart a hier, et via son journaliste qui a révélé l'affaire, Antoine Rouget, publié un article montrant comment aussi le maire de Saint-Étienne, vous le savez, est en lice et candidat pour les élections prochaines de 2026, mais s'enfonce. Et je vous la montre, comme le titre Mediapart, dans ce nouvel article disponible depuis, rédigé hier, me semble-t-il disponible depuis aujourd'hui. Les dernières confrontations devant les juges ont révélé l'isolement de l'élu, rappelle Mediapart, face à l'aversion des autres protagonistes de l'affaire du chantage à la sextapes. Mais ses avocats multiplient les demandes procédurales, éloignant la perspective d'un jugement avant les prochaines municipales. Voilà, donc il faudra aussi attendre cette échéance électorale pour voir peut-être enfin une décision de justice concernant cette affaire. Reprenons donc en tout cas le conseil municipal à ce jour et en ce lendemain de séance d'hier. Je le disais en ouverture, démission peut être bien mot-clé et qui anime les séances au fil en effet de ces rendez-vous. Et donc, nouvelle démission en juin dernier, et il s'agissait là, vous l'avez entendu de par le deuxième dossier à l'ordre du jour, eh bien d'élire de nouveaux adjoints avec une réorganisation. Alors on va tenter d'y voir plus clair, puisqu'en effet, depuis fin juin, et notamment par arrêté municipal du 4 juillet, il a été déjà décidé d'attribuer de nouvelles délégations à de nouveaux élus. 5 élus et un nouvellement en place, Jacques Plaine, on l'avait cité, qui a pris place au sein du conseil municipal à la suite du décès de Denis Chambe. Donc Abdelouab Bakli, qui est en charge entre autres de la démocratie locale vie associative, Marie-Jo Pérez à la tranquillité publique et autres points, Lionel Jouffre à la vie numérique, nouvelles technologies et autres, Cyrine Maclouf à la propreté et au déneigement. Thierry Nietzsche à la vie étudiante au sens large, voire à la jeunesse, et donc Jacques Plaine aux personnes âgées et aux actions socioculturelles pour le troisième âge. Et puis en complément de leur délégation habituelle, certains adjoints sont vus ajouter de nouvelles compétences, en tout cas supplémentaires. C'est le cas pour Marc Chasseau-Béné aux relations internationales, Pascal Lacour au taxi, Nadia Semach à la santé, plan cancer et autres, Diarra Kain, conseillère municipale déléguée aux relations internationales, Catherine Grousson à l'animation des quartiers et aux fêtes de quartier. Et puis, ont été proposés donc, depuis le 4 juillet à la fonction d'adjoint au maire au prochain conseil municipal, c'est-à-dire ce dernier tenu hier, Dominique Manin à l'éducation et Jean-Pierre Cotchion à la voirie et circulation. Chose qu'il fallait donc confirmer hier par vote et élection. Ce qui allait être chose faite, nous allons en reparler. Mais je le disais, de démission, il va être encore question. Large intervention là, du près d'une vingtaine de minutes où plusieurs points vont être abordés. Je commence à teaser d'emblée ce que vous allez pouvoir suivre et entendre. Nicole Peysselon va intervenir précisément, s'abstenant sur ce point d'élection de nouveaux adjoints, elle-même démissionnaire. Julie Tocchi pour le temps de l'écologie, qui réagira aussi concernant cette réorganisation et réattribution finalement des compétences et des postes. Pierrick Courbon pour l'opposition et Saint-Étienne Demain, qui, vous l'entendrez, annoncera sa démission de conseiller municipal d'opposition, de par aussi sa nouvelle et récente élection début juillet dernier en tant que député de la première circonscription. Et puis démission, pourquoi pas probable, en tout cas tel semble avoir été le souhait de Gaël Perdriau, qui lancera à son conseiller Antoine Poméon, invité pourquoi pas à être modèle aussi et pourquoi pas engager aussi des missions de son côté. Et puis l'avenir qui se pose quant à une autre élue, vous l'entendrez là aussi, qui va être évoquée par Pierrick Courbon. Il s'agit de Christiane Michaud-Farigoul, qui a fait scandale par des propos jugés, vous l'entendrez, potentiels dérives racistes et identitaires. Bref, je vous laisse suivre tout cela et on en reparle juste après. Des mots, des sons sensibles, spécial conseil municipal sur Duo. Le rapport numéro 2 porte sur les déterminations du nombre d'adjoints et la suppression de deux postes d'adjoints. Par courrier en date du 25 juin, Patrick Michaud, Nicole Peysselon, Paul Corrieras, Robert Carulac ont fait part de leur volonté de démissionner de leur poste d'adjoint au maire. Conformément aux dispositions de l'article L21-22-5 du CGCT, leur démission ayant été acceptée par le préfet le 5 juillet 2024, quatre postes d'adjoints sont depuis vacants. Suite à la vacance de ces postes d'adjoints, conformément aux dispositions des articles L21-22-1-2-2-1 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé au Conseil municipal de ne pas remplacer deux postes d'adjoints, 7e et 13e, et de fixer le nombre d'adjoints à 20, c'est-à-dire 15 postes d'adjoints et 5 postes d'adjoints en charge de quartiers spécifiques. L'ordre du tableau du Conseil municipal sera modifié en conséquence. Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir supprimer deux postes d'adjoints et de fixer ainsi le nombre d'adjoints à 20. Y a-t-il des questions, Madame Peysselon ? Oui, merci, Monsieur le maire. Est-ce que ça marche ? Oui. Oui, bonjour. Merci, Monsieur le maire. Tout simplement, une explication de vote sur différentes délibérations qui viennent. Nous allons en avoir plusieurs qui concernent l'organisation de votre exécutif et de votre majorité aussi, considérant que ça relève de votre seule responsabilité. Je voulais tout simplement vous indiquer que nous nous abstiendrons. Je profite d'avoir la parole 30 secondes pour vous dire qu'il est désolant que Tom Pentecôte n'ait pas été remercié pour tout le travail qu'il a effectué. Aussi, au nom de mon groupe, je le fais volontiers. Par ailleurs, nous voulons saluer son courage, car nous savons que sa décision n'a pas dû être simple pour lui, ni facile. Elle en est d'autant plus remarquable. Nous le comprenons et nous sommes de tout cœur avec lui. Je mets à part, bien sûr, les échanges qu'il a pu avoir me concernant, mais je lui en reparlerai de vive voix. Merci. Tout simplement, Madame Peysselon, si je n'ai pas souhaité aller plus loin, ça s'appelle de la pudeur. Ce que j'ai à dire à Tom Pentecôte, je lui ai dit, je lui dirai, sans étalage public. La relation qui est la mienne avec lui depuis de très nombreuses années, fait que j'ai certainement pas envie d'étalage en public. Je mets donc aux voix ce rapport. Y a-t-il des oppositions ? Madame Toki ? Oui, c'est pour ? C'est pour intervenir, tout simplement. On a le droit de prendre la parole, me semble-t-il, de réagir aux différents dossiers qui nous sont proposés. Si vous, bien sûr, si vous la demandez, je vous la donne. Mais je l'ai demandé. Je vous remercie. Donc, décidément, en fait, les conseils municipaux se suivent et se ressemblent. Encore une fois, Monsieur Perdriau, vous êtes contraint de modifier le nombre de vos adjoints. Alors, 21 au début, puis 20, puis 21 à nouveau, puis 22 en juin dernier. Et enfin, aujourd'hui, vous décidez de réduire le nombre d'adjoints à 20. Enfin, quand je dis que vous décidez, ce n'est pas tout à fait juste. Car la question est, avez-vous encore le choix ? Depuis le dernier conseil municipal, fin juin, ça y est, vous y êtes. Vous êtes arrivé au bout de la liste des 59 noms que vous aviez présentés aux électeurs en 2020. Et si vous ajoutez à cela le départ de la responsabilité de 9 membres de votre majorité, fin juin, on comprend que là, cela devient réellement compliqué pour vous de convoquer une équipe type alors que vous n'avez plus personne sur le banc. Quant à reformer une équipe à la hauteur de l'enjeu, qui est, je le rappelle, de gérer dignement Saint-Étienne et d'améliorer le quotidien de ses habitantes et de ses habitants, là, ça devient carrément mission impossible. Alors, oserez-vous prétendre que vous réduisez le nombre d'adjoints par choix ? Ou alors, peut-être, est-ce que c'est parce que vous avez tellement essoré votre liste que vous n'arrivez même plus à former une équipe qui respecterait la parité femmes-hommes ? Ou alors peut-être est-ce que vous sous-entendez que parmi votre majorité, vous ne trouvez plus suffisamment de personnes aptes à prendre des responsabilités ? Concrètement, ce sordide jeu de chaise musicale, il dure depuis bien trop longtemps. Désormais, connaître le nom de l'élu en charge de tel ou tel dossier, ça relève du parcours du combattant. Les écoles, par exemple. En 4 ans, on aurait vu défiler monsieur Samy Kefi-Jérôme, puis madame Anne-Sophie Rioux, qui a dû assurer un temps l'intérim, puis Robert Cuarulac, et maintenant, je vous le demande, à qui le tour ? Les agents municipaux changent d'élu référent au gré des rebondissements de l'affaire et des départs pour raisons dites tantôt personnelles, ou alors pour mise à l'écart, ou pour des raisons de désaccord ou carrément de dégoût. Comment garder le cap et faire avancer la ville quand le vent peut tourner à tout moment ? Comment les équipes pourraient-elles continuer à travailler dans de bonnes conditions ? C'est tout à fait impossible. Comment pourraient-elles garder un optimisme sans faille pour mener à bien des projets quand l'élu qui viendra remplacer celui d'avant peut donner des directives totalement différentes ? Votre ambition, elle vous pousse à jouer avec le quotidien des plus de 170 000 personnes qui résident dans notre ville. Et les situations sont parfois cocasses. Des permanences d'élus de quartier annulées à la dernière minute, des visites reportées à plusieurs reprises, l'absence d'élus à des réunions phares. Nous autres, élus écologistes, nous réclamons depuis toujours plus de transparence dans la gestion de la ville. Nous estimons qu'une équipe municipale se doit d'évaluer en permanence la pertinence des choix et des actions qui sont mises en œuvre sur le territoire. Elle se doit de rendre des comptes aux habitantes et aux habitants, et ce, pas seulement une fois tous les 6 ans. Saint-Étienne a besoin de transparence, vous faites tout le contraire. En 2020, votre slogan invitait les électeurs et les électrices à préférer le défi. Aujourd'hui, Monsieur Perdriau, vous avez choisi de préférer le déni. L'important, Madame Toki, c'est le service qui est rendu à la ville et à ses habitants, et c'est le cas. Je vous rassure, un élu ne peut pas donner de directive différente à son prédécesseur, tout simplement parce que le projet, lui, il est très clair, c'est toujours le même et il est appliqué. Quant à votre dernière remarque sur la pertinence des choix ou bien encore rendre des comptes aux habitants, je dirais simplement que depuis 2021, l'équipe municipale a animé plus de 120 réunions publiques. Je regrette d'ailleurs ne vous y avoir jamais vu, car vous vous seriez rendu compte que les habitants n'hésitent pas à donner leur avis et que nous n'hésitons pas non plus à les prendre en compte. Monsieur Courbon ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire une brève déclaration et puis poser une question à votre exécutif ou ce qu'il en reste, pour vous dire d'abord que ceci est peut-être et probablement mon dernier conseil municipal de cette mandature, puisque, vous le savez, Il me faut choisir entre le mandat municipal et le mandat départemental depuis mon élection en tant que député de la Loire. Ça a été un véritable dilemme entre deux mandats que j'aime passionnément, le mandat départemental qui permet une vraie relation de proximité avec l'ensemble des habitants et la possibilité d'être utile à leur service, et puis le mandat municipal que j'ai intégré en juillet 2014, et je pense avoir été pendant ces 10 années assidu, actif et sans prétention aucune, l'un des principaux animateurs du débat municipal. C'est un choix cornélien, et effectivement je me suis posé la question de savoir là où je serai dans les nouvelles fonctions qui sont les miennes, le plus utile au service de mes idées, de mes convictions, le plus utile au débat démocratique et au territoire et aux habitants. J'ai pesé finalement là où le débat démocratique était de meilleure qualité, là où il était le plus riche, le plus constructif, le plus respectueux des positions des uns et des autres, et où là où les divergences d'opinion pouvaient finalement permettre de faire émerger, dans le respect des uns et des autres, les meilleures propositions. Et vous aurez compris que le portrait que je dresse du débat démocratique idéal, on ne le trouve pas au conseil municipal de Saint-Étienne. Ce conseil municipal est devenu un vaste théâtre, un simulacre de démocratie, non seulement une chambre d'enregistrement d'un certain nombre de décisions qui sont prises ailleurs, mais surtout, et plus grave encore, une machine à broyer les hommes et les femmes, et nous venons encore d'en avoir un témoignage en début de conseil municipal. Et je veux aussi adresser un message de soutien à Tom Pentecôte par rapport à ce qu'il dit avoir vécu. Le conseil municipal, il faut qu'on ait la lucidité de le reconnaître, c'est pas l'endroit où on est le plus utile aux Stéphanoises et aux Stéphanois. Et moi, je veux continuer d'être utile à notre territoire et à ses habitants. Et je vais bien évidemment continuer à l'être. Je veux dire que je fais évidemment totalement confiance à mes collègues du groupe Saint-Étienne Demain pour continuer à porter le flambeau dans cette instance, à l'ensemble de mes collègues des groupes d'opposition, et puis dire également que je tiens à saluer le courage des élus du groupe Saint-Étienne avant tout, des élus indépendants qui ont progressivement quitté la majorité. Même si, en ce qui concerne Saint-Étienne avant tout, je regrette, et j'ai eu l'occasion de le leur dire, qu'ils n'aillent pas au bout de leur démarche et qu'ils permettent finalement votre maintien en place, monsieur Perdriau, en préférant finalement des considérations électorales à l'intérêt de Saint-Étienne. Alors, rassurez-vous, ce n'est certainement pas un adieu ni même un au revoir. Je vous dis à toutes et à tous à très, très vite. Et ceci étant dit, j'embraye sur ma question concernant votre exécutif, puisque nous avons découvert avec stupéfaction un certain nombre de publications issues d'un compte sur un réseau social semblant appartenir à madame Christiane Michaud-Farigoul. Vous aurez bien compris et vous aurez bien noté que nous employons le conditionnel. Un compte qui émet un certain nombre de prises de position allant du soutien au Rassemblement national, des propos nauséabonds sur l'immigration, des dérapages racistes et un partage de publications d'un certain nombre d'élus du Rassemblement national ou du parti d'Éric Zemmour. Ce fil d'actualité est depuis plusieurs mois un condensé de l'abécédaire du parfait militant d'extrême droite. Alors au début, nous n'y avons bien évidemment pas cru et peut-être même envisagé une possibilité de piratage, mais le fait de retrouver dans un passé récent des références à une expérience professionnelle au sein d'un foyer de jeunes travailleurs en ce qui concerne la question des mineurs non accompagnés, ou même le partage d'une publication de la ville de Saint-Étienne concernant les Martinets, qui semble effectivement tracer l'authenticité d'un certain nombre de ces propos. Voilà, nous avons été choqués et surpris et nous demandons à être, le cas échéant, rassurés. Le passage, il y a quelques minutes, de ce compte en privé n'est pas de nature à nous rassurer. Donc nous vous demandons un certain nombre d'explications parce que je pense que des réponses que vous apporterez dépendront aussi en partie l'avenir aussi de votre exécutif. Bon, sur votre première partie d'intervention, moi, je crois savoir pourquoi vous avez choisi le département, mais ma charité va vous épargner de le dire publiquement. Mais je n'ai pas trop d'illusions sur combien de temps il vous a fallu pour faire un choix. Sur le reste, moi-même, n'utilisant plus Twitter, parce que je trouve que c'est un réseau abject où se retrouvent violence, fausse information. Donc je ne l'utilise plus depuis des années. Donc puisque vous avez interpellé Christiane Michaud-Farigoul, je lui donne la parole. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je crois que je n'ai pas à m'exprimer vraiment là-dessus. Je l'ai toujours dit. Comment ? Oui, c'est une accusation. Je ne suis pas une militante du Rassemblement national, et loin de là, je suis une ex-socialiste. C'est vrai, une ex-socialiste, et j'avoue que je me suis éloignée du Parti socialiste, et on se connaît bien, hein, si on veut en arriver là. Et aujourd'hui, face à cette politique, je suis sans parti pris, et je l'ai toujours dit. C'est-à-dire que moi, je prends autant des propositions qui sont bien à droite comme à gauche. Et pour moi, je ne fais pas de l'anti non plus Rassemblement national, parce que je connais beaucoup de socialistes qui votent Rassemblement national. Donc, il faut d'ex-socialistes, hein, qui défendent certaines positions. Hein, par exemple, pour moi, l'immigration, excusez-moi, c'est plus un vilain mot, comme on le disait au Parti socialiste, fallait pas prononcer le mot sécurité. Immigration, c'était vraiment pas bon, à part certains qui osaient le dire en disant que l'immigration, on n'est pas contre l'immigration, bien sûr, parce que quand elle est bien gérée, quand elle n'a pas d'impact sur la sécurité des gens, quand, une immigration bien gérée, ça pose pas de problème. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pu dire, et certains élus comme Ségolène Royal ou d'autres ont pu dire qu'à un moment, il faut dire stop si c'est plus gérable, si ça provoque des problèmes au niveau de la société. Simplement, ce que j'ai dit, peut-être. Et Donc, j'assume le fait que j'ai des positions comme sur l'immigration qui peuvent ne pas être acceptées à gauche. Hein. Mais je suis ni de gauche ni de droite. Je n'ai jamais voté Rassemblement national. Ni LFI d'ailleurs. Je suis quelqu'un sans parti pris, mais j'ai ma liberté de penser et je pense que je l'aurai toute ma vie. Et je ne suis plus dans aucun parti politique. Et j'avoue que des fois, j'arrive à comprendre les gens qui votent Rassemblement national. Et vous voyez, j'arrive à le comprendre. Je le dis parce que j'en connais et je connais des personnes. Comment vous voyez que le Parti socialiste est en baissé au niveau de ses électeurs? C'est que bien, ils ont été quelque part. Donc voilà, après, ils peuvent soutenir à un moment le Rassemblement national. Et puis ensuite, je conteste bien sûr vos accusations. Et puis je garde mon parti pris, mais je suis très... Je suis très claire avec mon positionnement sur l'immigration. Sur les enseignants. Monsieur Courbon. Merci. Je pense au moins que Madame Farigoul, vous avez eu le courage de confirmer la véracité des propos qui sont les vôtres. Simplement, pour bien dire aux collègues de quoi l'on parle, parce que vous avez beaucoup parlé du Parti socialiste, moi je n'en ai pas parlé du tout, mais je vais simplement faire un certain nombre de citations de publications que vous revendiquez. Je cite « On n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de voter RN, car les autres partis politiques sont anti-France. Les migrants coûtent bien plus cher en vivant en France. Bravo tous les étrangers qui vivent en France pour se faire de la thune avec la drogue, pour voler les Français, ou s'ils sont des délinquants ou des criminels, doivent être expulsés absolument. » Non, monsieur Courbon. Non, mais monsieur je Courbon. Pense que ça nécessite monsieur Courbon. Monsieur une clarification Courbon. De votre je part. Crois, je crois que ce n'est pas le lieu pour si. Vous. Non, je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas le lieu pour que vous régliez ce genre de compte. Ah, mais moi, j'ai pas s'il y a bien, s'il y a bien une municipalité qui a accueilli les migrants, que ce soit depuis les Syriens, les Érythréens, plus récemment les Afghans, c'est Saint-Étienne. Je n'ai certainement pas de leçons à recevoir de votre part. Non mais donc vous condamnez les propos de votre adjointe ? Et je me dis, monsieur Courbon, qu'est-ce que vous nous faites là ? Je vous pose une question. Est-ce que ce ne serait pas un contre-feu aux récentes déclarations de monsieur Ruffin qui révèlent aux Stéphanois comment vous, comme d'autres candidats NFP, avez fait campagne ? En montrant des tracts suivant la couleur des gens qui vous ouvraient. Oui. Ça s'appelle comment, ça, monsieur Courbon ? Donc, on est très, très loin de la délibération numéro 2 que je viens de présenter. Si vous avez des comptes à régler, vous les réglerez à l'extérieur du conseil municipal. Est-ce que vous condamnez les propos de votre adjointe ? Non, parce qu'elle ne les a pas tenus. Je condamne les propos que vous venez de citer, de la même façon que je condamne les propos de M. Ruffin que vous avez accueillis en grande pompe à Saint-Étienne, de la même façon que je condamne la façon dont vous avez fait campagne, Monsieur Courbon, pour récolter des voix en méprisant les Stéphanois et leurs origines. Voilà ce que je fais. Maintenant, on en vient à la délibération. Je mets fin à ce sujet. Ce n'est pas l'ordre du jour du Conseil municipal. Donc, sur le rapport numéro 2, c'est terminé. C'est terminé, mais je ne donnerai plus la parole. Vous voulez bien revenir sur le rapport numéro 2, Monsieur Pernoyot ? J'ai une question, vous n'y avez pas répondu. Pourquoi vous baissez le nombre d'adjoints ? Parce que j'adapte le travail qui est à faire en fonction de la situation. Je la subis, c'est un fait. Je n'ai pas choisi, et je le regrette, la démission des adjoints qui, le conseil précédent, avait expliqué qu'ils assumaient le projet à mes côtés. Donc, je prends acte et j'en tire les conséquences. C'est tout. Ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a aucune conséquence sur le travail qui est rendu au quotidien, et les Stéphanois le voient. Donc vous n'avez plus assez de monde pour faire une bonne équipe, c'est ça que vous êtes en train Madame de dire. Madame Pfister. Quand vous nous demandez de supprimer les postes 7 et 13, cela veut-il dire que la démocratie locale, la vie associative, l'éducation, la petite enfance, la jeunesse ne deviendront que des délégations supplémentaires pour des adjoints qui restent ? Non, puisque dans la délibération suivante, je proposerai d'élire 2 adjoints supplémentaires que je remercie d'ailleurs d'assumer ces fonctions depuis la démission de leur prédécesseur. Je mets donc aux voix, alors à condition que ce soit sur ce sujet-là, sinon je vous retire la parole. Parce qu'on doit rester à l'ordre du jour, Monsieur Poméon. On va dire que c'est en lien avec le sujet actuel, parce que, comme mes autres collègues, j'aimerais quand même rendre hommage et saluer le discours de Tom Pentecôte. Lui et moi, nous avons... Votre nouvelle amitié est touchante, parce que quand on connaît l'histoire. Je rappelle juste l'histoire que lui a été fidèle et loyal à votre rencontre jusqu'au bout, ne savait pas remettre en cause, et qu'effectivement, il m'a accueilli dans votre ancienne famille politique. Ça manque pas c'est de sel. C'est à préciser, et au moins, lui a eu l'honneur et le courage de démissionner, et j'invite ses collègues de la majorité à faire de même. Car comme ça, nous ne perdions plus de temps à débattre sur ce sujet de 2 nouveaux adjoints, dont 2 qui ne seront pas renouvelés. Donc ça veut dire que vous n'avez même aucun respect pour les 2 anciens adjoints que sont le 7e et le 13e, qui apparemment ne faisaient pas vraiment le travail nécessaire. C'est ça qu'on aurait voulu comprendre. Jamais dit ça. Et vous apprendrez que charité bien ordonnée commence par soi-même. Puisque vous invitez certains de mes collègues à démissionner, vous pouvez en donner l'exemple. Madame Dumestre. Oui, Monsieur Perdriau, je reviendrai sur le sujet qu'on vient d'aborder parce que à plusieurs reprises, vous nous avez reproché, nous, groupe Saint-Étienne demain, de faire le jeu de l'extrême droite. Je suis en charge. Non, oui, ben, oui, tout à et fait. Les récents événements le démontrent. Il y a voilà. Plus donc, à justifier. Vous nous interpellez Madame directement. Dumestre, vous nous devez. Je souhaite de nous en revenir répondre. À l'ordre du jour oui, du Conseil mais vous municipal. Vous nous interpellez directement et vous revenez de le faire à l'instant. Non, donc parce vous que nous j'ignore ce que vous venez de raconter. Réagir. Je ne connais pas ce compte. Je ne suis plus sur Twitter. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Très bien. Donc on ne va pas régler en direct quelque chose que je ne connais pas. Voilà. Donc vous refusez tout débat sur ces sujets alors que vous interpellez directement des gens, vous nous jetez au visage personne, des accusations Madame vous venez Dumestre. De le faire à l'instant. Absolument pas. Vous venez de le refaire. Je dis juste qu'on sait comment M. Courbon, depuis que M. Ruffin a écrit son livre, a fait campagne sur les tweets. Voilà, donc ça par exemple c'est diffamatoire. Je ne connais pas les tweets de Mme Farigou. Par exemple là c'est diffamatoire, vous pouvez dire ça. Non, j'ai appris depuis quelques temps, tout ce qu'il disait en conseil, tout est permis. Vous avez le droit d'attaquer le maire autant que vous voulez. Dans le débat public, vous avez le droit de m'insulter. Tout ça est autorisé par la loi. Il n'y a pas de diffamation en conseil municipal. Donc, vous pouvez vous libérer, Madame Dumestre. Vous le verrez au mois de février. Faites-vous du bien. Donc, je mets aux voix la deuxième délibération qui est proposée à l'ordre du jour. Qui est contre ? Donc, le groupe Le Temps de l'écologie, les communistes, Antoine Poméon, Saint-Étienne demain. Qui s'abstient ? Saint-Étienne avant tout. Je vous remercie. Et voilà pour ce deuxième moment très tendu de ce conseil municipal de ce lundi 30 septembre. Alors on va reprendre sur les 2 points essentiels finalement de ces interventions qui allaient d'ailleurs être suivies dans les dossiers qui allaient venir après ce dossier numéro 2, donc dossier numéro 3 qui procédait à l'élection de ces 2 adjoints 19e et 20e suite à la vacance de 4 postes d'adjoints avec suppression de 2 postes d'adjoints portant ainsi le nombre à 20. La proposition donc était faite des candidatures de Dominique Manin et Jean-Pierre Cotchion Et puis l'ordre du jour s'en suivait, mais un peu plus tard durant cette séance, à 18h05 pour être exact, étaient communiqués les résultats de ces élections, avec donc 57 votants, 2 bulletins nuls, 20 bulletins blancs, bref, 35 suffrages exprimés, donc 35 voix pour Dominique Manin et Jean-Pierre Cotchian, désormais élus. Et puis, au-delà de ce point et de cette réorganisation interne, cela portait sur la condamnation de ses propos tenus sur le réseau social X par ce compte appartenant à l'adjointe Christiane Michaud-Farigoul. L'opposition nous avait adressé un communiqué hier précisément, Saint-Étienne demain, communiquant ses potentielles dérives racistes et identitaires, cette adjointe au maire de Saint-Étienne, demandant la réaction de Gaëlle Perdriaux. Des propos effectivement s'apparentant à de potentielles dérives racistes et identitaires, je cite ce titre de ce communiqué du groupe d'opposition Saint-Étienne demain, qui a pu donc réagir, vous l'avez entendu, qui certes a contesté ces accusations mais n'a pas réfuté ce compte et ses propos, compte qui est passé en privé entre le début du conseil municipal hier et l'interpellation de Pierrick Courbon pendant la séance. L'abécédaire du parfait militant d'extrême droite attaquait Pierrick Courbon et qui demandait donc explication au maire sur ce point, qui rejetait hier, en tout cas durant la séance, c'est ce point-là, prétextant ne pas en avoir connaissance. En tout cas, effectivement, le groupe Saint-Étienne demain a assuré quelques captures d'écran de ce compte X appartenant à Christiane Michaud-Farigoul. Compte suivi par de nombreux membres de la majorité stéphanoise, clos désormais, et qui a tenté hier de défendre sa position, notamment sur l'immigration, défendant ne pas être une militante du Rassemblement National, loin de là, en tant qu'ancienne socialiste. Bref, on voit très bien de part aussi ces captures d'écran et des propos tenus, et en tout cas des comptes et propos partagés, à quel point la position est tout à fait ambiguë. Gaëlle Perdriaux ne souhaitant pas réagir en direct hier à cette interpellation. Répondant à la question de Pierrick Courbon, condamnez-vous les propos de votre adjointe, Gaëlle Perdriaux rétorquant non, car elle ne les a pas tenus, mais condamnant les propos de Pierrick Courbon que lui venait de citer, mettant fin ainsi à cette discussion qui n'était pas à l'ordre du jour, rappelait-il. Néanmoins, réaction ce jour, avec tout d'abord l'autre groupe d'opposition, Saint-Étienne avant tout, donc les 9 élus anciennement dans la majorité qui ont rejoint l'opposition en juin, emmenés par Nicole Peslon, qui a fait parvenir un communiqué de presse condamnant avec la plus grande fermeté la tenue ou promotion de propos à caractère raciste qui sont encore plus inacceptables de la part d'une élue de la République, demandant et invitant le maire à demander des explications à Christiane Michaud-Farigoul et à condamner solennellement les propos qu'elle aurait tenus, et rappelant qu'il paraîtrait incompréhensible que cela n'amène à aucune décision à son encontre. Et Gaëlle Perdriaux, par communiqué à nouveau de presse, a réagi hier dans la soirée à l'issue de cette séance du conseil municipal, rappelant cette situation et ce point donc intervenu en séance publique du conseil municipal, condamnant certes tout propos raciste, n'annonçant pas de sanctions à l'encontre de son adjointe, rappelant encore, je cite, « Nous devons plus que jamais rassembler et ne pas ajouter du rejet au rejet. J'attends de chacun d'entre nous qu'il ne cède pas à la tentation de la solution de facilité ou du bouc émissaire. La seule communauté qui compte à mes yeux est la communauté des Stéphanoises et des Stéphanois sans distinction de religion ou de couleur de peau. » Bon, voilà, une botte en touche. Le compte en question a été supprimé de X aujourd'hui. D'autres réactions au-delà. C'est le cas de SOS Racisme, par exemple, qui demande au maire ce matin le retrait des délégations de Christiane Michaud-Farigoul suite à ses propos tenus qui, effectivement, sont tout à fait flagrants et évidents. Pour en reprendre quelques exemples, en effet, sur l'immigration, les propos sont sans équivoque. J'en reprends quelques-uns. un migrant clandestin algérien sous OQTF, déjà condamné pour viol, jugé pour avoir violé une adolescente dans sa chambre d'hôpital. Rappelant encore, oui, la justice est laxiste et nos dirigeants sont des lâches, gangrenés par une idéologie criminelle qui laisse les Français vivre avec des prédateurs. Honte à tous ceux qui ont laissé faire, rappelant la situation de Philippines récemment. Et puis encore, donc effectivement, propos clairement énoncés et publiés, on n'a pas le choix aujourd'hui de voter RN car les autres partis politiques sont anti-France. Voilà quelques exemples de ces divers propos tenus. À voir ce qu'il en sera donc à nouveau, affaire à suivre, comme l'ont dit, bien au-delà de ces mises en examen, on le rappelle, pour le maire dans cette affaire, pour chantage et association de malfaiteurs et détournement de fonds publics, et notamment ces situations absolument troubles, ce n'est rien de le dire, au sein de ce conseil municipal, si vous arrivez à suivre les choses. En tout cas, vous le pouvez via la toile Le Net. On le rappelle, les séances de conseil municipal sont toujours filmées et donc disponibles et en revisionnage possible sur le site de la ville. Et donc à suivre pour les prochaines séances de conseil municipal. Ce sera pour la fin de cette année, une dernière annoncée le 25 novembre prochain. Et puis ensuite, d'autres séances attendues. Courant 2025 et le 27 janvier pour la première séance de conseil municipal de l'année prochaine. Voilà pour cette émission spéciale consacrée donc aujourd'hui à ce conseil municipal stéphanois. Je termine avec une seule et dernière information concernant un appel à participation. 5 mains coupées. Atelier de théâtre gratuit ouvert à tous et toutes, mené par le collectif X et la quincaillerie moderne autour du spectacle 5 mains coupées de l'autrice Sophie Divry. Plaidoyer choral contre la violence de l'État lors du mouvement des Gilets jaunes. Des représentations attendues fin novembre. Un rendez-vous au Verso le 24 novembre pour la répétition du chœur. Et puis surtout un premier atelier prévu ce mardi 1er octobre à 18h au théâtre du Verso. Inscription en réservation possible au 47 01 31 précédé du 04 77 47 01 31. Tout cela pour vous annoncer aussi bien les rendez-vous de phoniques à venir puisque le Verso, notamment la Ruelle, c'est-à-dire le théâtre choc voisin aussi, eh bien, seront invités sur le 895 de Dio dans le Mac des mots des sons sensibles de ce jeudi. Voilà, même heure, même lieu, ne manquez pas le rendez-vous. Et pour les autres rendez-vous Dio, vous annoncez encore les semaines d'information sur la santé mentale qui se poursuivent sur Saint-Étienne et dont nous sommes partie prenante par notamment des rencontres, écoutes collectives au Remue-Ménage et donc des diffusions hertziennes également chaque mardi, jeudi à partir de 16h, nouvel épisode et nouveau feuilleton justement ce soir de documentaire radiophonique ce mardi et ce jeudi entre 16 et 17h. Et puis rentrer en philosophie, elles vont un peu le débat avec Aussitôt dit et notre partenariat réengagé sur cette saison 2024-2025, des conférences archives pour annoncer bien souvent les conférences de l'Hôtel de Ville à venir. Eh bien, rentrez pour Aussitôt dit et son programme mensuel, le premier mercredi de chaque mois à 10h. Rendez-vous demain pour le premier rendez-vous de cette saison. Et puis dans les autres rendez-vous, je vous annonce encore du blues et notamment eh bien, des places à gagner dans le cadre du partenariat avec le Rhino Jazz. Ne manquez pas ce rendez-vous. Boogie reprend du service le mercredi à partir de 20h30, 21h sur le 895 de Dio pour ce mois d'octobre avant de basculer le mardi soir en alternance avec le collectif La France Pue. Voilà. Et pour l'info, l'actu tout terrain, rendez-vous encore dans le 12-13 avec Plus Fort Gentarien, ce sera bien sûr ce mercredi 2 octobre. Allez, nous terminons en guise de générique de fin avec une sortie discographique dont on a déjà parlé sur cette antenne, mais il y a véritablement là aussi une release party, donc c'est en concert au Périscope à Lyon, ce fameux lieu lyonnais qui accueille Brahma. Très bon collectif. La release party a lieu ce mercredi 2 octobre à 21h au Périscope. Cela permet de redonner un petit coup de projecteur sur la sortie de cet album de Brahma, album éponyme sorti le 13 septembre dernier. Très bon groupe qui évolue dans une musique qui va à la fois du trad très local et régional auvergnat, avec le Kouali pakistanais, la guitare du Mali, le gros troc allemand, tout ça sur fond rock gorgé de fuzz, c'est Brahma, emmené par Guy Simon, Gauthier Paolo, Pauvert Amandine, Miranda Anthony. Je vous propose précisément de les réécouter, redécouvrir sur le 895 de Dion, guise de générique de fin. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. Ciao, bye. Come on.